et puisque Madame Milligan doit passer l'été dans sa maison de campagne, nous sommes assurés de la trouver. Il n'y a qu'à chercher. Et 4 jours après avoir quitté Cecil, nous cherchons aux environs de Vevey, parmi les nombreuses villas qui, à partir du lac aux eaux bleues, s'étagent gracieusement sur les pentes vertes et boisées de la montagne, laquelle est habitée par Madame Milligan avec Arthur et Lise. Enfin, nous sommes arrivés. Il est temps, nous avons 3 sous en poche et nos souliers n'ont plus de semelles. Mais Vevey n'est point un petit village, comme nous l'avions tout d'abord imaginé. C'est une ville, et même plus qu'une ville ordinaire, puisqu'il s'y joint jusqu'à Villeneuve une suite de villages ou de faubourgs qui ne font qu'un avec elle. Blonnet, Corsier, Tour de Pels, Clarins, Chernex, Montreux, Veto, Chillon. Quant à demander Madame Milligan, ou tout simplement une dame anglaise accompagnée de son fils malade et d'une jeune fille muette, nous reconnaissons bien vite que cela n'est pas pratique. Vevey et les bords du lac sont habités par des Anglais et des Anglaises, comme le serait une ville de plaisance des environs de Londres. Le mieux est donc de chercher et de visiter nous-mêmes toutes les maisons où peuvent loger des étrangers. En réalité, cela n'est pas bien difficile. Nous n'avons qu'à jouer notre répertoire dans toutes les rues. En une journée, nous avons parcouru tout Vevey et nous avons fait une belle recette. Autrefois, quand nous voulions amasser de l'argent pour notre vache ou la poupée de Lise, cela nous eût donné une heureuse soirée. Mais maintenant, ce n'est pas après l'argent que nous courons. Nulle part nous n'avons trouvé le moindre indice qui nous parlât de Madame Milligan. Le lendemain, c'est aux environs de Vevey que nous continuons nos recherches, allant droit devant nous, au hasard des chemins, jouant devant les fenêtres des maisons qui ont une belle apparence, que ces fenêtres soient ouvertes ou fermées. Mais le soir, nous rentrons comme déjà nous étions rentrés la veille. Et cependant, nous avons été du lac à la montagne et de la montagne au lac, regardant tout autour de nous, questionnant de temps en temps les gens que, sur leur bonne mine, nous jugeons disposés à nous écouter et à nous répondre. Ce jour-là, on nous donna 2 fausses joies, en nous répondant que, sans savoir son nom, on connaissait parfaitement la dame dont nous parlions. Une fois, on nous envoya à un chalet bâti en pleine montagne. Une autre fois, on nous assura qu'elle demeurait au bord du lac. C'étaient bien des dames anglaises qui habitaient le lac et la montagne, mais ce n'était point Madame Milligan. Après avoir consciencieusement visité les environs de Vevey, nous nous en éloignâmes un peu, du côté de Clarins et de Montreux, fâchés du mauvais résultat de nos recherches, mais nullement découragés. Ce qui n'avait pas réussi un jour, réussirait le lendemain, sans doute. Tantôt nous marchions dans des routes bordées de murs de chaque côté, tantôt dans des sentiers tracés à travers des vignes et des vergers, tantôt dans des chemins ombragés par d'énormes châtaigniers dont l'épais feuillage interceptant l'air et la lumière ne laissait pousser sous son couvert que des mousses veloutées. À chaque pas dans ces routes et ces chemins s'ouvrait une grille en fer ou une barrière en bois, et alors on apercevait des allées de jardins bien sablés, serpentant autour de pelouses plantées çà et là, de massifs d'arbustes et de fleurs. Puis, cachée dans la verdure, s'élevait une maison luxueuse ou une élégante maisonnette enguirlandée de plantes grimpantes. Et presque toutes, maisons comme maisonnettes, avaient à travers les massifs d'arbres ou d'arbustes des points de vue habilement ménagés sur le lac éblouissant et son cadre de sombres montagnes. Ces jardins faisaient souvent notre désespoir, car nous tenant à distance des maisons, ils nous empêchaient d'être entendus de ceux qui se trouvaient dans ces maisons, si nous ne jouions pas et si nous ne chantions pas de toutes nos forces, ce qui, à la longue et répété du matin au soir, devenait fatigant. Une après-midi, nous donnions ainsi un concert en pleine rue, n'ayant devant nous qu'une grille pour laquelle nous chantions, et derrière nous qu'un mur dont nous ne prenions pas souci. J'avais chanté à tue-tête la première strophe de ma chanson napolitaine, et j'allais commencer la seconde, quand tout à coup nous l'entendîmes chanter derrière nous, au-delà de ce mur, mais faiblement, et avec une voix étrange. Voria arreventare no piccinotto. Cona l'ancella oggi veneno acqua. Quelle pouvait être cette voix? Arthur? Demanda Mattia. Mais non, ce n'était pas Arthur. Je ne reconnaissais pas sa voix. Et cependant Capi poussait des soupirs étouffés et donnait tous les signes d'une joie vive en sautant contre le mur. Incapable de me contenir, je m'écriai. « Qui chante ainsi ?» Et la voix répondit. «

et montrant ses dents pointues. Il m'aperçut, et instantanément ce sourire fut remplacé par une grimace effrayante. Madame Milligan ne lui laissa pas le temps de parler. « Je vous ai fait appeler, » dit-elle d'une voix lente, qui tremblait légèrement, « pour vous présenter mon fils aîné, que j'ai eu enfin le bonheur de retrouver. » Elle me serra la main. « Le voici. Mais vous le connaissez déjà, puisque chez l'homme qui l'avait volé, vous avez été le voir pour vous informer de sa santé. »« Que signifie ?» dit M. James Milligan, la figure décomposée. « Cet homme, aujourd'hui en prison pour un vol commis dans une église, a fait des aveux complets. Voici une lettre qui le constate. Il a dit comment il avait volé cet enfant, comment il l'avait abandonné à Paris, avenue de Breteuil, enfin comment il avait pris ses précautions en coupant les marques du linge de l'enfant pour qu'on ne le découvrît pas. Voici encore ces linges qui ont été gardés par l'excellente femme qui a généreusement élevé mon fils. Voulez-vous voir cette lettre? Voulez-vous voir ces linges? » M. James Milligan resta un moment immobile, se demandant bien certainement s'il n'allait pas nous étrangler tous. Puis il se dirigea vers la porte, mais prêt à sortir, il se retourna. « Nous verrons, » dit-il, « ce que les tribunaux penseront de cette supposition d'enfant. » Sans se troubler, Madame Milligan, maintenant je peux dire ma mère, répondit. « Vous pouvez nous appeler devant les tribunaux. Moi, je n'y conduirai pas celui qui a été le frère de mon mari. » La porte se referma sur mon oncle. Alors je pus me jeter dans les bras que ma mère me tendait et l'embrasser pour la première fois, en même temps qu'elle m'embrassait elle-même. Quand notre émotion se fut un peu calmée, Mathias s'approcha. « Veux-tu répéter à ta maman que j'ai bien gardé son secret ? » dit-il. « Tu savais donc tout ? » dis-je. Ce fut ma mère qui répondit. Quand Mathias m'eut fait son récit, je lui recommandai le silence, car si j'avais la conviction que le pauvre petit Rémi était mon fils, il me fallait des preuves certaines que l'erreur n'était pas possible. Quelle douleur pour vous, cher enfant, si après vous avoir embrassé comme mon fils, j'étais venu vous dire que nous nous étions trompés. Ces preuves, nous les avons, et c'est pour jamais, maintenant, que nous sommes réunis. C'est pour jamais que vous vivrez avec votre mère, votre frère, elle montra Lise ainsi que Mathias, et ceux qui vous ont aimés malheureux. Chapitre 23. En famille. Les années se sont écoulées, nombreuses mais courtes, car elles n'ont été remplies que de belles et douces journées. J'habite en ce moment l'Angleterre, Milligan Park, le manoir de mes pères. L'enfant sans famille, sans soutien, abandonné et perdu dans la vie, ballotté aux caprices du hasard, sans phare pour le guider au milieu de la vaste mer où il se débat, sans port de refuge pour le recevoir, a non seulement une mère, un frère qu'il aime et dont il est aimé, mais encore il a des ancêtres qui lui ont laissé un nom honoré dans son pays et une belle fortune. Le petit misérable qui, enfant, a passé tant de nuits dans les granges, dans les étables ou au coin d'un bois à la Belle Étoile, est maintenant l'héritier d'un vieux château historique que visitent les curieux et que recommandent les guides. C'est à une vingtaine de lieues à l'ouest de l'endroit où je m'embarquais, poursuivi par les gens de justice, qu'il s'élève, à mi-côte dans un vallon bien boisé, malgré le voisinage de la mer. Bâti sur une sorte d'esplanade naturelle, il a la forme d'un cube et il est flanqué d'une grosse tour ronde à chaque coin. Les deux façades, exposées au sud et à l'ouest, sont enguirlandées de glycines et de rosiers grimpants. Celles du nord et de l'est sont couvertes de lierre, dont les troncs, gros comme le corps d'un homme, à leur sortie de terre attestent la vétusté. Et il faut tous les soins vigilants des jardiniers pour que leur végétation envahissante ne cache point, sous son vert manteau, les arabesques et les rinceaux finement sculptés dans la pierre blanche du cadre et des meneaux des fenêtres. Un vaste parc l'entoure. Il est planté de vieux arbres que ni la serpe ni la hache n'ont jamais touchés. Et il est arrosé de belles eaux limpides qui font ses gazons toujours verts. Dans une futaie de hêtres vénérables,

tu auras des enfants. Alors si tu le veux, et si je suis encore en vie, je reviendrai près de toi pour élever tes enfants. Je ne pourrai pas être leur nourrice comme j'ai été la tienne, car je serai vieille. Mais la vieillesse n'empêche pas de bien soigner un enfant. On a l'expérience, on ne dort pas trop. Et puis je l'aimerai, ton enfant. Et ce n'est pas moi, tu peux en être certain, qui me le laisserai voler comme on t'a volé toi-même. Il a été fait comme Mère Barberin désirait. Peu de temps avant la naissance de notre enfant, on a été la chercher à Chavanon. Elle a tout quitté, son village, ses habitudes, ses amis, la vache issue de la nôtre, pour venir en Angleterre près de nous. Notre petit Mathia est nourri par sa mère, mais il est soigné, porté, amusé, cajolé par Mère Barberin, qui déclare que c'est le plus bel enfant qu'elle ait jamais vu. Arthur tient dans sa main un numéro du Times. Il le dépose sur ma table de travail en me demandant si je l'ai lu. Et sur ma réponse négative, il me montre du doigt une correspondance de Vienne que je traduis. Vous aurez prochainement à Londres la visite de Mathia. Malgré le succès prodigieux qui a accueilli la série de ses concerts ici, il nous quitte, appelé en Angleterre par des engagements auxquels il ne peut manquer. Je vous ai déjà parlé de ses concerts. Ils ont produit la plus vive sensation, autant par la puissance et par l'originalité du virtuose que par le talent du compositeur. Pour tout dire, en un mot, Mathia est le Chopin du violon. Je n'ai pas besoin de cet article pour savoir que le petit musicien des rues, mon camarade et mon élève, est devenu un grand artiste. J'ai vu Mathia se développer et grandir. Et si quand nous travaillions tous trois ensemble sous la direction de notre précepteur, lui, Arthur et moi, il faisait peu de progrès en latin et en grec, il en faisait de tels en musique avec les maîtres que ma mère lui donnait, qu'il n'était pas difficile de deviner que la prédiction d'Espinasso, le perruquier musicien de Mende, se réaliserait. Cependant, cette correspondance de Vienne me remplit d'une joie orgueilleuse, comme si j'avais ma part des applaudissements d'Hôtel et l'Écho. Mais ne l'ai-je pas, réellement? Mathia n'est-il pas un autre moi-même? Mon camarade, mon ami, mon frère? Ces triomphes sont les miens, comme mon bonheur est le sien. À ce moment, un domestique me remet une dépêche télégraphique qu'on vient d'apporter. C'est peut-être la traversée la plus courte, mais ce n'est pas la plus agréable. En est-il d'agréable, d'ailleurs? Quoi qu'il en soit, j'ai été si malade que c'est à Red Hill seulement que je trouve la force de te prévenir. J'ai pris Christina en passant à Paris. Nous arriverons à Checkford à 4h10. Envoie une voiture au-devant de nous. Mathia. En parlant de Christina, j'avais regardé Arthur, mais il avait détourné les yeux. Ce fut seulement quand je fus arrivé à la fin de la dépêche qu'il les releva. « J'ai envie d'aller moi-même à Checkford, dit-il. Je vais faire atteler le landau. » « C'est une excellente idée. Tu seras ainsi au retour vis-à-vis de Christina. » Sans répondre, il sortit vivement. Alors je me tournai vers ma mère. « Vous voyez, lui dis-je, qu'Arthur ne cache pas son empressement. Cela est significatif. Très significatif. » Il me sembla qu'il y avait dans le ton de ces deux mots comme une nuance de mécontentement. Alors me levant, je vins m'asseoir près de ma mère et lui prenant les deux mains que je baisai. « Chère maman, lui dis-je en français, qui était la langue dont je me servais toujours quand je voulais lui parler tendrement en petit enfant. Chère maman, il ne faut pas être peiné parce qu'Arthur aime Christina. Cela, il est vrai, l'empêchera de faire un beau mariage, puisqu'un beau mariage, selon l'opinion du monde, est celui qui réunit la naissance à la richesse. Mais est-ce que mon exemple ne montre pas qu'on peut être heureux, très heureux, aussi heureux que possible, sans la naissance et la richesse dans la femme qu'on aime? Ne veux-tu pas qu'Arthur soit heureux comme moi? La faiblesse que tu as eue pour moi, parce que tu ne peux rien refuser à l'enfant que tu as pleuré pendant 13 ans, ne l'auras-tu pas pour ton autre fils? Serais-tu donc plus indulgente pour un frère que pour l'autre? » Elle me passa la main sur le front et m'embrassant. « Oh, le bon enfant, dit-elle, le bon frère, quel trésor d'affection il y a en toi. C'est que j'ai fait des économies autrefois, mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit, c'est d'Arthur. Dis-moi un peu où il trouvera une femme plus charmante que Christina. N'est-elle pas une merveille de beauté italienne? Et l'éducation qu'elle a reçue depuis que nous avons été la chercher à Lucca